nom, c'est Tournemine. Mon prénom, c'est Marcel. Je suis né le 30 septembre 1931. J'ai jamais travaillé parce que mon mari, mon père, ils voulaient pas. Et j'ai demandé sa main à mon père. Il est venu un après-midi faire un speech avec ses parents. Parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. Hein. On se mariait en blanc vierge. Parce qu'il ne fallait pas faire ce qu'il faut pas. Ma mère, elle m'avait dit, je te fais confiance. Mais si tu veux te marier en blanc, il faut que tu sois vierge. Ah ben, je l'ai été. Pourtant, j'ai fréquenté 5 ans. Quand il allait trop loin, je n'oublie pas, t'avais promis. Et moi avec. Mais je l'avoue, ça avait châté Dieu. Je voulais pas y faire de peine, mais j'étais obligée. Chose promise, je dis chose vue. Il dit c'est vrai. Combien de fois que je disais, Agathon, c'est bon comme du bon pain. Et c'est la vérité. Vous savez, nous, quand j'ai promis. Mais lui, il avait tendance à aller. Non. Chose promise, chose due. Il a tenu. Parce que j'ai tenu parole. Mon père, il m'a répondu. Vous voulez bien, je veux bien te donner ma fille, mais sous condition qu'elle ne travaille pas. Alors, c'est ce qu'il a fait. Mais on s'est mariés quand même à 23 ans. Hein. Parce que ma mère, elle ne voulait pas signer. Elle dit, je ne signe pas, qu'elle dit, fou. Parce qu'à ce temps-là, il fallait signer à la mairie si vous n'avez pas l'âge de 21 ans. Alors, il fallait qu'on attende pour avoir lui passé 22, moi bientôt 22. J'étais mariée 63 ans avec lui. On s'est marié le 4 avril 53 et lui il est mort le 4. Le 4 janvier en 2016, il était menuisier charpentier. Et lui après sa journée, il allait travailler partout, au noir. Ben il fallait compenser l'argent que je travaillais pas. Moi, j'aurais dû aller travailler, mais il avait promis à mon père. Mais je vous dirai, il a travaillé, mais au soir, j'étais tout le temps tout seul jusqu'à 10 heures. J'attendais après lui. Mais je vous dis, j'ai jamais touché à un argent. J'ai dit, tu le mets dans une caisse, c'est bien. On aura besoin. Et puis il y a eu sa voiture comme ça. Alors je disais, fais une caisse avec une fille infiltrée pour pouvoir mettre les billets dedans. Il a voulu passer son permis. Je lui ai dit, change, je rentre pas là-dedans. Tu travailles. Tu payes ton permis. Oui, mais quand il a eu son permis, au matin, midi, au soir, je suis quand même malheureux d'avoir un permis puis pas d'auto. Alors je lui ai dit, ben, casse ta caisse, t'auras des sous. Et c'est comme ça qu'il a eu son auto. Voilà. Je tricotais pour ma belle-sœur quand elle avait des enfants. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est tout ce que je faisais, puis le ménage. On n'aimait pas le bal, ni l'un ni l'autre. Mais on allait faire des cures. À Contrexéville, à Vittel. Après, à Amélie-les-Bains. Puis après, ça n'a plus été. Alors, je suis venue de moi-même, ici. Il voulait pas venir dans l'EHPAD, mon mari. J'ai dit si, après que l'EHPAD allait ouverte, j'y vais. Parce que j'ai toujours dit non, j'ai toujours fait amen, mais là, j'ai dit non, c'est plus possible, tous les deux. Alors, je dis, moi, je rentre dans l'EHPAD et je m'en vais. Il a répondu, ben, moi aussi. Et c'est, j'ai bien fait dans un sens, si vous voulez, parce qu'il n'y a même pas été dit, moi ici. Il est mort à côté. C'était un bon, comme du bon pain, mon mari. Tous les deux, on aimait bien le cinéma. On faisait l'après-midi, même quand on était mariés, l'après-midi et au soir. On adorait le cinéma. Laisse-toi faire, je dis, viens, on va aller au cinéma, il y a beau film. Je vous dirai que le jour que ça a été la Ducasse d'Arles, j'ai fait toute la semaine au cinéma. La Ducasse, c'est 3 jours qu'on allait au restaurant. Au foyer Croisant. C'était bien, mais nous, on allait manger des frites, et puis lui, une bière, et moi, de l'eau. J'ai jamais aimé l'alcool. Mais on allait au cinéma, c'était bien. Mon mari, il aimait bien les westerns. Moi, j'aime bien une belle histoire. J'en ai vu tellement, vous savez. C'était beau. Moi, c'était des films d'amour. Enfin, entendons-nous, à la télé, on voit pas, c'est un film d'amour. Mais mon mari, c'était les westerns. Mais c'était bien. Puis après, j'habitais presque à côté, j'en n'y allais plus. Parce qu'on avait la télévision. Et on adorait la télévision avec les films. Une chaîne, noir et blanc. Mais quand on s'est marié, j'ai pas eu la télé tout de suite. J'avais une télévision avec un franc qu'on mettait sur le côté. Et après, ça a fermé, il fallait remettre une pièce. La télé, elle était sous courant, mais il fallait mettre une pièce. Et puis, il y avait quelqu'un qui venait la ramasser, les pièces. C'est ni plus ni moins que... Comment que... Ici, vous payez pour la télé. Ben, nous, c'était comme ça. Ils venaient rechercher les pièces qu'on mettait. Et on n'avait qu'une chaîne, en noir et blanc. Et après, j'ai eu ma télévision. J'ai fait plaisir à sa grand-mère, à mon mari, parce qu'elle n'avait jamais vu la télé. Quand c'était du catch, je tapais à la porte. Je dis, vous venez m'aimer. Je dis, il y a du catch. Elle aimait bien le catch. Elle écoutait le poste. Parce que dans le temps, il y avait des belles histoires du poste. Vous voyez, tout ça, je m'en rappelle. J'aurais voulu être fleuriste. Parce que j'avais la main verte, je faisais tout moi-même, même mes fleurs à la maison. Parce que je me suis tout le temps demandé à Bégonia comment qu'ils font les bulles. Et puis ça m'est arrivé bêtement, parce que à coup, mon mari m'en avait acheté un, Puis, il a fait tout l'été, puis l'hiver était mort. Alors, je dis, je vais couper, puis tu le mets dans ta buanderie. Et puis l'année d'après, il y avait des petites pousses, des oignons. Alors après, je les faisais moi-même. Ah oui, j'aurais voulu être fleuriste. Si j'aurais pu, mais j'avais promis à mon père. C'est comme pour aller voter. J'avais promis à mon père d'aller voter jusqu'à la fin. Parce qu'il me l'avait fait promettre. Il m'a dit, tu me promets, qu'il dit, tu vas voter jusqu'à temps que tu meurs. J'ai répondu oui. Tout ça fait pas du bien, vous savez. Ça remue. Mais j'avais un père beau comme du pain. C'était un camarade. Voilà. Et moi, je sais que je mourrai ici. Parce qu'ici, c'est la dernière maison que je fais. Mais moi, ça ne me fait rien. Je vous dirais même que j'aspire. Mais je ne demande pas à mourir, bien sûr. Mais quand ça arrivera, c'est ici. Voilà.